Salut, c'est Mike Lécuyer pour l'émission Blues Covers. Crawling up a hill. Every morning about a half a day, I find the window pitcher don't be late. I get the up and try to concentrate, but life is just a slow train crawling up a hill. So it's up with me to figure it out. I spend my job without a shadow of doubt. I've seen the blues that I know all about. But life is just a slow train crawling up a hill. Minute after minute, second after second, hour after hour goes by. Working for a rich man, staying just a poor man, never stop to wonder why. So here I am in London town. A sad scene, I'm gonna be around. A kind of music that'll bring me down. But life is just a slow train crawling up a hill. C'était Crawling Up a Hill, une composition et une interprétation de John Mayall en 1965 en public. C'est son premier 33 tours. Auparavant, fin 1964, était parue cette chanson en single. C'est donc le premier titre publié par John Mayall. Et évidemment, John Mayall est connu pour ses nombreux guitaristes, hein, Eric Clapton, Peter Green, Mick Taylor, etc., Harvey Mandel, etc., etc. Hein, John Mayall and the Blues Breakers, tout le monde a entendu parler de ce fameux groupe anglais, considéré comme le père du blues, du British blues. Hein, il y a aussi Alexis Corner et Cyril Davis, mais John Mayall est le plus connu et il est toujours en activité, vous vous rendez compte. Il est né en novembre 1933, ça veut dire qu'il a 85-86 ans. Pour ce Blues Covers consacré donc à John Mayall, je n'ai pas trouvé beaucoup d'artistes français ayant repris ses chansons. J'en ai quand même trouvé trois. Alors j'ai complété ce Blues Covers avec Cathy Melua et Joe Bonamassa. On commence donc avec Cathy Melua. En 2003, sur son premier 33 tours, elle reprend justement Crawling Up a Hill. Cathy Melua. Just a slow train crawling up a hill. So I stopped one day to figure it out. I'll quit my job without a shadow of a doubt. Sing the blues that I know about. My life is just a slow train crawling up a hill. Minute after minute, second after second, hour after hour goes by. Working for a rich girl, staying just a poor girl. Never stop to wonder why. So here I am in London town. A better scene I'm gonna be around. The kind of music that won't bring me down. My life is just a slow train crawling up a hill. Up a hill, minute after minute, second after second, hour after hour goes by. Working for a rich girl, staying just a poor girl, never stop to wonder why. So here I am in London town, a better scene I'm gonna be around. The kind of music that won't bring me down. Life is just a slow train. Oh. Oh. So, so, so, here I am in London town. A better scene I'm gonna be around. The kind of music that won't bring me down. My life is just Ventas Got the Blues en 2006, qui reprennent K to Love. Alors Dominique Venta, bah, elle a participé à quelques comédies musicales dans les années 2000, Starmania, etc. Et puis elle a rencontré le guitariste, et puis ils ont décidé de créer un groupe de blues. Ce sont des franciliens, je pense, des parisiens, mais le groupe n'existe plus maintenant. Voici Wenta's Got the Blues, version très rapide et très courte de K to Love. I never realized that you were in pain. Wanna help you on, let me see you again. Hurt my soul, baby, when I find you feeling wrong. Do I find the gale blow? The smile on your face, wipe away those tears. Life is gonna get better as you live through those years. That's my song, baby, when I find you feeling wrong. Yeah. Life's so fast, baby, but do I find the gale blow? Voilà un groupe qui aime vraiment John Mayall, puisqu'ils ont repris deux morceaux One Leg Toad. En 2012, c'est Crawling Up a Hill, extrait de leur premier CD, peut-être le seul, From the Bayou. Un groupe qui n'existe plus, je pense, car j'ai pas trouvé grand-chose. Leur page Facebook s'arrête à 2014, il n'y a pas d'actualité depuis. Ils avaient participé au Tremplin Blues sur scène en 2012. C'était assez sympa de les voir. Une formule assez bizarroïde en électroacoustique, avec les cruches, des choses comme ça. Hein. Sorte de jug band. One Leg Toad, Crawling Up a Hill. Avec One Leg Toad, c'est-à-dire le crapaud unijambiste, toujours extrait de leur premier mini-album paru en 2012, Bar Wires. Alors Bar Wires, ça c'est un morceau extrait d'un album de 1968 de John Mayall qui est assez original dans la discothèque. On s'éloigne du blues, on va dire que ça serait du blues psychédélique. Et c'est avec Mick Taylor que cet album a été réalisé. Je vous conseille de l'écouter. C'est assez étonnant, détonnant, peut-être même déconcertant pour ceux qui ne connaissent pas la carrière de John Mayall. Mais on revient à One Leg Toad, Bar Wires. These are the wires of my life, since it was cut down the middle by life. Dark season hugging, and I've been learning all of the wires are alive. All of the wires are alive. All of the wires are alive. All of the wires are alive. En 2018, Philippe Manca, ou Phil Manca, propose un album avec des titres originaux et quelques reprises des Beatles, d'ACDC et le Little Girl de John Mayall. Phil Manca s'est fait connaître dans les années 80 dans le groupe de hard rock TNT et puis il a aussi participé à un opéra rock en 2000. Voici donc Phil Manca, Little Girl, John Mayall, extrait de son nouveau disque Signs. Voici le grand Joe Bonamassa qui délaisse un peu Beth Hart pour aller rendre hommage au British Blues, puisque son dernier disque de 2018 s'appelle British Blues Explosion. Et c'est tout naturellement qu'il y a un morceau de John Mayall dessus, et ça sera également Little Girl. Ah, comme je vois qu'on me fait les grands signes derrière la vitre de la cabine, j'ai encore un peu de temps, donc on va se faire un petit bonus avec un morceau de John Mayall que j'adore, Blues for the Lost Days. C'est paru en 1997 sur l'album du même nom, John Mayall. Bye bye et à la prochaine. Like I got myself a time machine. Memories flood around me, people and places where I've been. You know I had the blues for the lost days. Back then when times were lean, from a home in the country, I had the blues on my wind-up gramophone. The city and moved around like a rolling stone. I got me a band of blues breakers. And they'd be sitting till the break of dawn. Oh, sweating at that all-night flamingo and coming out to pigeons on a Sunday morn. A few other things too. We had so many good times and so much music, but back then nobody knew that the London Blues were born. Thank you. drift apart. Some of them are dead and gone now, but they still live on in my heart. C'était l'émission Blues Covers.